Chapitre 15. La persévérance dans les œuvres de bien. Allah Ta'ala a dit: Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humiliait à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, le Coran? Et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux, ceux-ci trouvèrent le temps long, et leurs cœurs s'endurcirent. Sourate 57, verset 16. Et nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, et lui avons apporté l'évangile, et mis dans les cœurs de ceux qui le suivirent douceur et mansuétude. Le monachisme qu'ils inventèrent, nous ne le leur avons nullement prescrit. Ils devaient seulement rechercher l'agrément d'Allah, mais ils ne l'observèrent pas, ce monachisme, comme il se devait. Sourate 57, verset 27. Et ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filée. Sourate 16, verset 92. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. Sourate 15, verset 99. Quant aux traditions prophétiques, nous citons celle de Aïcha. Il, alayhi salatu wassalam, aimait plus que tout les actes d'adoration accomplis avec assiduité. Le hadith a été cité au chapitre précédent. 153. D'après Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: quiconque s'endort sans s'être acquitté totalement ou partiellement de sa prière ou de sa récitation coranique quotidienne, puis le fait entre la prière de l'aube et celle de midi, et récompensé comme s'il s'en était acquitté au cours de la nuit. Muslim. 154. Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a dit: ô Abdullah, ne sois pas comme un tel qui veillait la nuit en prière, mais qui a abandonné par la suite ses prières nocturnes. Al-Bukhari et Muslim. 155. D'après Aïcha radiyallahu anha, lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam n'était pas en mesure d'accomplir ses prières nocturnes à cause par exemple de la maladie, il priait le lendemain 12 unités de prière, 12 raka'a. Muslim. 156.